Molière, comédien ambulant, par Jean Lecoq. Il est dans la vie de Molière un certain nombre de points obscurs qu'on n'élucidera probablement jamais, car les papiers du grand comique sont perdus. Or, la période pendant laquelle il échappe le plus aux recherches de ses biographes, c'est celle où, comédien errant, il parcourut la France en compagnie de Béjart. Tout ce qu'on sait avec quelque certitude, c'est que, destiné par son père à la profession d'avocat, il préférait fréquenter les théâtres que la faculté de droit. Les Italiens l'attiraient surtout, il suivait toutes leurs représentations. Il prit même des leçons du fameux Tiberio Fiorelli, dit Scaramouche. Au bas d'un portrait de cet artiste, on trouve en effet ce quatrain. Cet illustre comédien, de son art traça la carrière, il fut le maître de Molière, et la nature fut le sien. L'auteur de ces vers n'est autre que La Fontaine. Il devait être bien renseigné. Le jeune Poquelin fit encore partie, si nous en croyons Lagrange, d'une troupe composée d'enfants de famille qui jouaient la comédie gratis. Cette troupe à laquelle vinrent se joindre les trois Béjart, Madeleine, sa sœur Geneviève et son frère Joseph, fut l'embryon de l'illustre théâtre. Nous sommes à la fin de l'année 1646. Molière touche à ses 26 ans. C'est le bel âge pour les folles entreprises. L'illustre théâtre n'a pas réussi à Paris. La province, peut-être, lui sera plus favorable. Sans hésiter, la troupe se met en route dans les premiers mois de 1647. Comment voyageait-elle? On a dit qu'elle avait servi de modèle à Scarron pour son roman comique, et que les types de destin de la Rancune et de l'Olive, ainsi que ceux des Demoiselles de l'Étoile et de la Caverne, ne sont autres que Molière et ses compagnons. Un misérable chariot branlant, attelé d'une maigre haridelle, parfois même traîné par des bœufs de labour, et pêle-mêle, au milieu des décors et des accessoires de théâtre, les pauvres comédiennes, transies de froid ou brûlées de soleil. Quant aux hommes de la troupe, ils vont à pied le plus souvent pour ne pas surcharger l'attelage. Vers le milieu du XVIIe siècle, une douzaine de ces troupes ambulantes allait ainsi par la province, et c'est dans ce piteux équipage que furent révélés à la France les ouvrages des prédécesseurs de Corneille, les tragédies de Rotrou ou de Tristan l'Hermite et les premières pièces de Molière. Car, pendant 12 ans, notre grand comique, avec les Béjart et ses compagnons de l'illustre théâtre, parcourut la France sur le chariot de Thespis, et s'il est vrai que dans la seconde partie de son odyssée, le succès, la protection de quelques grands seigneurs et les profits qui en résultaient, lui ont permis de voyager plus commodément, de se fixer pendant de longs jours dans une même ville, et d'assurer quelque bien-être à sa troupe, il n'en est pas moins certain qu'il lui fallut mener au début la vie singulièrement pénible de ces pauvres baladins qu'on appelait alors les comédiens de campagne. Mais il était jeune. Une irrésistible vocation l'entraînait. L'amour, quasi maternel, de Madeleine Béjart le soutenait. Il avait la fièvre du théâtre, la confiance dans le succès et le désir de voir du pays, d'étudier les hommes et les choses au hasard de ses courses. Qui sait si son génie eût été ce qu'il fut sans ces années de rudes épreuves qui mûrirent son esprit? La troupe où brillaient, au premier plan, outre Molière, les deux frères et les deux sœurs Béjart, Charles Dufresne et René Berthelot, dit Duparc, dut quitter Paris dès le début de 1647. On la trouve cette année-là à Bordeaux, jouant devant le duc d'Épernon une tragédie de Molière, la Thébaïde, œuvre disparue dont le titre seul est venu jusqu'à nous. Mais il est finalement probable que l'illustre théâtre ne gagna pas Bordeaux d'une seule traite, et qu'il égrena son répertoire tout au long de la route qui menait de Paris jusqu'en Guyenne. Les troupes de comédiens errants, à cette époque et même au siècle suivant, ne dédaignaient pas de s'arrêter parfois dans de simples bourgades. Il fallait bien laisser souffler les chevaux, réparer le matériel, se ravitailler. Quand on rencontrait sur la route une auberge accueillante où la chère était bonne et peu coûteuse, on n'hésitait pas à y séjourner quelques jours. Les paysans n'étaient pas toujours disposés à payer leur place en argent. Les bas de laine s'ouvraient difficilement. N'importe, on jouait tout de même, et les spectateurs payaient en nature. Préville, qui courut longtemps la province avant de devenir l'un des premiers artistes de la comédie française, a raconté à ce propos quelques anecdotes rabelaisiennes. Un jour, la troupe dont il faisait partie arriva dans un bourg où, pour je ne sais quelle raison, force lui fut de s'arrêter. Pendant qu'on dressait la scène dans une grange, le directeur, accompagné de l'unique violon qui composait l'orchestre, s'en fut par les carrefours annoncer le spectacle en spécifiant bien que ceux qui ne voudraient pas donner d'argent pourraient payer leur place en marchandises. Ce soir-là, on avait reçu beaucoup de fromage et force salaison. Comme ces denrées répandaient une odeur forte qui eût pu incommoder les spectateurs et surtout les acteurs, on les avait mises, au fur et à mesure qu'on les recevait, dans des baquets placés à la porte de la salle. La recette assurée, le caissier était allé s'asseoir parmi les spectateurs. Mais voici que l'un de ceux-ci, l'un des rares assistants qui avait payé en argent, sortit pour satisfaire un besoin naturel. Apercevant le baquet à la lueur d'un lampion fumeux, il s'approcha, croyant qu'on l'avait mis là tout justement pour l'usage qu'il voulait en faire. Mais le caissier qui l'avait vu sortir se précipita à la porte de la salle. « Holà, monsieur » cria-t-il. « Allez plus loin, c'est la recette !» Revenons aux pérégrinations de l'illustre théâtre. En 1648, nous le trouvons à Nantes, d'où il rayonne aux environs, à Clisson, à Fontenay-le-Comte, puis à Angoulême, et l'année suivante à Limoges. La tradition veut que, dans cette dernière ville, Molière ait été sifflé par le parterre dans un rôle tragique qu'il interprétait, et c'est au souvenir de cet affront que serait née plus tard l'idée de M. de Pourceaugnac. Molière, sifflé par les Limousins, se vengea d'eux en les tournant en ridicule. La même année, la troupe est à Toulouse. En janvier suivant, elle joue à Narbonne, puis en février à Agen, où la municipalité lui fait construire un théâtre dans le jeu de paume de la ville. Peu après, l'illustre théâtre rentre à Paris. C'est l'époque du carême, morte saison pour les comédiens, en province surtout, où l'autorité ecclésiastique interdit tout divertissement pendant cette période austère. En 1652, nouvel exode. La troupe est à Lyon. Et c'est là que Molière compose et fait jouer son premier chef-d'œuvre, L'Étourdi. La pièce eut un tel succès que les villes voisines voulurent l'applaudir, et que deux tournées de L'Étourdi parcoururent la province. Pendant plus de 2 ans, l'illustre théâtre reste à Lyon. Le succès, la faveur du public lyonnais, ont tiré Molière de la bohème. On ne vit plus au jour le jour. Le poète a son foyer, la troupe a son port d'attache. Elle ne renonce pas pourtant à ses tournées. Mais elle devient comme une sorte de compagnie officielle et privilégiée qui ne se déplace que sur l'invitation des plus hauts personnages ou à l'occasion de quelques grandes solennités provinciales. C'est ainsi qu'en 1654, nous le retrouvons à Montpellier où se tiennent les États du Languedoc. Elle y joue pendant 5 mois. En 1655, retour à Lyon. D'Assoucy, le poète burlesque, raconte, dans ses curieuses aventures, qu'il fit alors dans cette ville la rencontre de Molière. Ce D'Assoucy était un singulier personnage. Poète, musicien, chanteur, il allait de ville en ville à la façon des jongleurs et des troubadours du Moyen-Âge. Passionné pour le jeu, il avait perdu jusqu'à sa dernière pistole quand il fut rencontré par Molière, qui, suivant son expression même, le traita comme un parent. Témoignage précieux qui montre que notre grand comique était aussi un brave cœur, pitoyable aux misères d'autrui. D'Assoucy accompagne Molière à Avignon, où l'illustre théâtre resta 1 mois, puis de là à Pézenas, où le prince de Conti venait d'appeler la troupe à l'occasion d'une tenue des États du Languedoc. C'est dans cette ville qu'on a retrouvé les traditions les plus nombreuses et les plus précises sur le temps où Molière courait la province. Les archives de Pézenas conservent l'ordre donné au consul par le prince de Conti de réquisitionner les chariots nécessaires pour transporter les décors et accessoires du théâtre de Molière lors de ses tournées dans les petites villes des environs de Marseillan, Agde, Montagnac, Gignac, etc. Enfin, Pézenas a le fauteuil de Molière, le meuble vénérable et fameux sur lequel la tradition assure que le grand comique s'asseyait quand il allait chez le barbier Gély se faire raser et observer les mœurs des habitants rassemblés sur le marché de la ville. En ce temps-là, les cafés n'existaient pas dans les petites villes comme Pézenas. C'était chez les barbiers que se débitaient les potins, que l'historiette du jour prenait du crédit, et que la politique épuisait ses combinaisons. Molière, assis tranquillement dans le fauteuil de Maître Gély, avait de quoi s'instruire à écouter les oisifs qui venaient là se faire calamistrer. De Pézenas, la troupe se rend à Narbonne. On la trouve à Béziers en novembre 1656. Et c'est là qu'a lieu la première représentation du dépit amoureux. Gros succès. En février 1657, nouveau séjour à Lyon, où le dépit ne réussit pas moins bien qu'à Béziers. Passage à Nîmes en avril, puis à Orange et à Avignon. Au mois de juin, la troupe est à Dijon. Va-t-elle regagner Paris? Pas encore. Elle retourne finir l'année à Lyon, qu'elle quitte définitivement en février 1658 pour aller passer le carnaval à Grenoble. Que fit-elle ensuite? On la perd de vue jusqu'en juin, époque où on la retrouve à Rouen. Et c'est la fin de ses pérégrinations. Molière, à présent, se sent de force à affronter la capitale. Le 24 octobre 1658, il joue devant le roi dans la salle des gardes du vieux Louvre, transformée en théâtre. Dès ce jour-là, sa cause est gagnée. On lui donne la salle du Petit Bourbon, il y joue ses pièces, applaudit en province, et peu après, les précieuses ridicules. Et c'est le succès, en attendant la gloire, qui bientôt va faire de l'humble comédien errant le plus grand auteur comique de tous les temps. Jean Lecoq, Molière, comédien errant.